Vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla sur CKUT 90.3 FM. Je vous disais donc en introduction d'émission que je voulais vous faire un petit résumé synthétique d'un excellent article, un article très instructif qui a été publié dans l'édition de mai 2011 du Monde Diplomatique sur les mercenaires africains qui sont engagés dans les guerres impérialistes américaines. L'article est signé par un journaliste qui a pour nom Alain Vicky. Donc ça s'appelle, c'est surtout sur le rôle que jouent les militaires ougandais comme, si vous voulez, sous-traitants des guerres américaines. Bien entendu, le discours médiatique qui prévaut, les médias occidentaux notamment nous rapportent souvent comment par exemple les groupes islamistes armés recrutent. Si vous voulez, les groupes djihadistes recrutent dans beaucoup de pays musulmans des mercenaires qu'ils payent finalement des salaires de misère pour aller mener des guerres saintes au nom de principes religieux, donc des soldats complètement fanatisés. Ce qu'on ne sait pas toutefois, c'est que dans les expéditions guerrières américaines, impérialistes, notamment en Irak, on ne sait pas que surtout l'essentiel de ces guerres impérialistes ne sont pas menées par les soldats de l'armée traditionnelle, mais ils sont beaucoup sous-traités à des compagnies privées militaires. Alors donc cette logique de privatisation du phénomène de la guerre, cette logique qui se fait sous un fond de logique de privatisation de la guerre, eh bien c'est pas très connu. En tout cas, du moins, pas de ma part. Et puis, je partage ici un article que je trouve très instructif. Donc, cet article d'Alain Vicky dans l'édition de ce mois-ci du Monde Diplomatique, il parle de ce qu'on appelle les ressortissants étrangers qui sont impliqués en Irak, plus particulièrement des Ougandais. C'est ce qu'on appelle les soldats, c'est ce qu'il appelle les soldats TCN, c'est-à-dire les Third Country Nationals. On apprend, par exemple, qu'en juin 2008, alors que les États-Unis entament leur désengagement d'Irak, ils sont au-dessus de 70 000 soldats étrangers issus des pays du tiers-monde à activer pour le compte de l'armée, pour le compte de l'administration américaine. Et ça, les 70 000 soldats étrangers recrutés dans les pays du tiers-monde comptent pour une portion importante parce que le total des troupes américaines, en tout cas sous la direction américaine engagée en Irak, était donc de 153 000. Donc on a 170 000 sur 153 000. À la fin 2010, bien entendu, ces soldats passent quelque part autour de 40 000, 41 000, c'est-à-dire presque aussi nombreux que les Américains. Et c'est dans les pays du Sud, finalement, qu'ont été recrutés ces hommes et ces femmes qui acquittent toutes sortes de tâches dans le cadre de ces opérations militaires. Donc c'est par milliers qu'ils ont été recrutés, ils ont été chargés des tâches les plus diverses, et ce, sur les bases américaines, notamment en Irak, dans le fameux camp militaire américain qui s'appelle le camp Liberty, qui est une véritable petite ville des États-Unis qui a été construite près de Bagdad, qui a compté quelque part à son apogée quelques 100 000 résidents qui incluent à la fois des soldats mais toutes sortes de personnes qui activaient dans des emplois périphériques pour l'industrie militaire. Alors ces soldats regroupés autour donc de ce sigle, les TCN, le Third Country National, qui compose quelque part plus de 59% des effectifs de ce que l'on appelle les besoins de base de l'armée. Ils s'occupent, par exemple, pour l'essentiel de la cuisine, ils s'occupent du nettoyage, ils s'occupent de l'entretien des bâtiments, de la restauration rapide, de l'électricité et même des soins esthétiques des femmes soldats. Donc, ce qui est intéressant d'observer ici, c'est finalement comment est-ce que la détresse qui prévaut dans les pays du tiers-monde et comment est-ce que l'incurie qui caractérise les armées nationales des pays du tiers-monde comment est-ce que les grandes puissances ou comment est-ce que les expéditions impérialistes finissent aussi par sous-traiter finalement des secteurs importants de l'industrie de guerre. Bien entendu, cette sous-traitance de secteurs importants de l'industrie de guerre s'explique notamment par le fait, et ça c'est ce que nous apprend cet article, par le fait que les opérations militaires américaines coûtent de plus en plus cher au budget étatique américain. Eh bien, au nombre donc de ces soldats issus des pays du tiers-monde, plus particulièrement de l'Ouganda ici, on apprend que certains donc de ces soldats peuvent également être affectés à la sécurité des installations, donc avec des soldats réguliers. C'est le cas notamment des recrues africaines qui contrôlent les accès et les enceintes des bases américaines. Et on apprend par exemple que les subsahariens donc ont fourni plus de 15% des gardes statiques recrutés par les sociétés militaires privées privée pour le compte du Pentagone. Eh bien, parmi ces gardes donc abattus de l'armée américaine, les Ougandais sont majoritaires. Bien entendu, beaucoup d'entre vous, en tout cas mes collègues de la partie anglophone de l'émission, Doug, Gwen et beaucoup d'autres, ont largement, si vous voulez, couvert un peu le rôle que joue un pays comme l'Ouganda et aussi le Kenya, le Rwanda dans la sous-région, si vous voulez, des Grands Lacs africains, surtout pour comprendre un peu le nouveau pavage étatique, le nouveau maillage interétatique qui a prévalu dans l'Afrique australe, notamment après la chute du régime de l'apartheid, puisque la chute du régime de l'apartheid a fait en sorte également simultanément, beaucoup de pays qui étaient jadis des pays de la ligne de front, qui étaient alliés, si vous voulez, de l'apartheid, donc alliés, dans la logique de guerre froide, qui étaient des alliés, si vous voulez, de la logique occidentale et surtout des pays de l'Ouest. Et comment est-ce que les pays comme le Rwanda, les pays comme l'Ouganda ont contribué, si vous voulez, à sous-traiter pour le compte de l'axe anglo-saxon, surtout les Américains et la Grande-Bretagne, dans le redéploiement, si vous voulez, de l'occupation congolaise, ce qui était donc l'objectif à l'époque, c'était, si vous voulez, de continuer la logique du mobotisme, son Mobutu. Donc comment, par exemple, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda ont joué un rôle important. Donc, si je vous dis ça, c'est tout simplement pour vous dire à quel point, par exemple, un pays comme l'Ouganda a contracté des accords militaires, de coopération militaire avec les États-Unis et d'autres pays importants, si vous voulez, des grandes puissances occidentales, et ce, depuis plusieurs décennies. Donc l'Ouganda est un acteur très important, et comment est-ce que des soldats de l'armée ougandaise opèrent dans plusieurs guerres américaines, notamment donc en Irak. Cet article est très instructif. Alors, la surreprésentation des Ougandais en Irak s'explique donc, nous dit cet article, par le contexte politique du début des années 2000 en Afrique australe, puisqu'à l'époque, à l'est de l'Ouganda, la guerre des Grands Lacs est officiellement terminée, et au nord du pays, donc en Ouganda, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur ont été pour l'essentiel matés, et ce qu'on apprend, c'est qu'au Soudan voisin, donc le Soudan, qui était jusqu'à l'indépendance du Soudan du Sud, le plus grand pays d'Afrique, la guerre civile a pris fin, donc notamment à travers les accords de 2005, ce qu'on appelle les accords de Naivasha, qui ont fait en sorte que le régime d'Omar el-Béchir a consenti à l'organisation d'un référendum qui depuis a été remporté par, qui a consacré l'indépendance du Sud-Soudan. Donc la fin de la guerre civile a quelque part ouvert la voie à l'indépendance donc du sud du pays, et donc dans ce contexte, plus de 60 000 hommes de troupes ougandais qui se sont, si vous voulez, qui ont été mobilisés auprès des forces, si vous voulez, et ça c'est très important à savoir, c'est plus de 60 000 hommes, c'est plus de 60 000 soldats ougandais, si vous voulez, qui ont été mobilisés dans le conflit soudanais au profit donc de l'armée du Sud-Soudan. Alors j'ai récemment écrit un article dans la revue Relations dans lequel justement j'ai essayé de montrer comment est-ce que l'indépendance du Sud-Soudan, indéniablement, sans remettre en cause le droit à l'autodétermination de ce peuple, sans remettre en cause les exactions et les crimes contre l'humanité qui ont été commis par le régime de Omar el-Béchir, mais le paradoxe qui a fait en sorte que ce pays, donc les autorités du Sud-Soudan, ont pu se constituer un rapport de force qui a pu leur permettre d'accéder à l'indépendance, bien entendu, ça s'explique largement par une logique géopolitique qui a fait en sorte que des lobbies très importants, notamment américains, les lobbies pétroliers néo-évangélistes, ont joué sur la carte des minorités chrétiennes par rapport à un nord musulman qui opprimerait la minorité chrétienne, donc en schématisant cette question à la dimension ethnique. Comment est-ce que donc, finalement, beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont joué un rôle de soutien en sous-main, donc pour les rebelles du Sud-Soudan. Et donc, comment est-ce que, et là cet article est très intéressant, parce qu'il nous montre finalement le rôle qui est méconnu qu'ont joué finalement des militaires de l'armée ougandaise au profit donc des indépendantistes du Sud-Soudan. C'est très intéressant parce que les informations dont je dispose, quelques articles critiques ont montré notamment, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Sud-Soudan, qui est nouvellement indépendant depuis le référendum de janvier dernier, mais l'indépendance est proclamée depuis septembre dernier, toujours est-il que il n'y a pas véritablement d'administration au Sud-Soudan. Et ce que l'on apprend, juste pour vous montrer un peu la dimension géopolitique de ce conflit soudanais, comment est-ce que, par exemple, le budget de l'État sud-soudanais vient pour l'essentiel de fonds de deux grandes agences d'aide multilatérales, notamment l'USAID, qui joue un rôle très important, et une deuxième agence d'aide multilatérale qui est très présente au Sud-Sudan, après l'USAID, c'est l'agence israélienne Israel Aid. Voilà, alors j'essaie de vous donner quelques éléments qui vous permettent de faire une connexion à la fois entre les enjeux politiques régionaux, les enjeux politiques sous-régionaux, et la dynamique globale finalement, pour comprendre un peu dans quelle logique s'insère à la fois l'Ouganda, et, si vous voulez, cette privatisation de l'armée ougandaise qui intervient en sous-main, comme si vous voulez, de quelle façon l'armée ougandaise intervient en sous-main dans une logique finalement thuriféraire, il faut le dire comme ça, pour le compte d'un nouveau pavage étatique, surtout qui profite à une redéfinition, qui profite surtout aux puissances anglo-saxonnes. Alors on va prendre une petite pause musicale et je vous ferai ensuite la suite. Je continue le résumé donc de cet article très intéressant, donc consacré au phénomène de privatisation de la guerre, notamment le rôle que jouent les mercenaires ougandais dans plusieurs déploiements géopolitiques états-uniens notamment. C'est l'orchestre Polyrythmo de Cotonou, donc Écos Hypnotique, donc c'est visiblement de la musique d'origine béninoise. Alors je continue finalement à vous citer quelques passages de ce texte très intéressant publié dans l'édition de ce mois-ci du Monde Diplomatique, signé Alain Vicky, sur les mercenaires africains pour les guerres américaines. Globalement, c'est plus particulièrement le rôle que joue l'Ouganda comme sous-traitant dans plusieurs conflits engagés par les Américains. On apprend par exemple qu'en 2007, c'est plus de 3000 militaires ougandais qui sont déployés en Irak. Une année plus tard, en 2008, le chiffre qui est donné, on dit qu'ils sont près de 10 000 donc, dans ce pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne également les noms des principaux employeurs, c'est-à-dire les entreprises qui activent donc dans le cadre de ce mercenariat. Les entreprises ici, c'est les entreprises américaines Torres, Dyncorp, Triple Canopy, Sabre et SOC, SOC. Donc, c'est à l'heure donc que cela a commencé à en dégénérer, nous dit le journaliste ougandais Angelo Izama. Puisque ce journaliste nous dit que sous prétexte de saturation du marché de ce que l'on appelle les Kieyos, en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce sont ces travailleurs candidats à l'immigration en Ouganda. Donc les salaires vont commencer à décliner pour ces soldats et ougandais qui sont enrôlés dans l'armée américaine en Irak. On apprend que ces salaires baissent d'autant plus facilement que l'emploi à l'étranger n'est pas régulé en Ouganda. D'autre part, à l'époque, on ne cherche plus seulement des anciens combattants. N'importe qui peut de 9 ans partir en Irak à partir de l'Ouganda, donc c'est pas nécessairement des soldats. Et ça donne lieu à ce que ce journaliste Alain Vicky appelle une logique de dumping qui joue donc sur la concurrence d'une nouvelle main-d'œuvre, notamment qui est recrutée non plus seulement en Ouganda cette fois-ci, mais dans deux autres pays qui semblent en tout cas activés en sous-main pour le compte toujours des Américains et de cette logique de privatisation de la guerre. Ces nouveaux employés sont donc recrutés au Kenya et en Sierra Leone, et tout ça se développe sans que, bien entendu, le ministère du Travail de ces pays ne trouve à redire quoi que ce soit sur les ressortissants de son pays qui sont expatriés. Mais bien entendu, il ne fallait pas s'attendre à d'autres choses. On apprend qu'à la fin de 2009, les salaires passent au-dessus de la barre de $700 américains. Pendant ce temps, pour chaque garde ougandais engagé, la société américaine Sabre, donc qui est la société qui embauche, qui sous-traite pour l'armée américaine et qui recrute finalement ses soldats, alors que les soldats sont payés $700, la compagnie Sabre, qui se charge du recrutement en Ouganda, au Kenya et au Sierra Leone, elle touche près de $2000 du gouvernement américain pour trouver donc des soldats. Cette compagnie Ascar, de son côté, touche quelque part, on nous dit, autour de 420 000 dollars pour 264 gardes déployés en Irak, donc opérés d'une autre compagnie américaine qui s'appelle Beowulf. Et ce qui est intéressant, puisque je viens de vous parler de cette compagnie, d'une compagnie dont les intérêts sont ougandais, on apprend que cette compagnie, la compagnie Ascar que je viens de vous citer, elle appartient à Madame Kellen Kayonga, donc qui a fondé cette compagnie, et qui est elle? Elle est donc l'épouse du général Salim Saleh, qui est par ailleurs le frère du président ougandais Yoweri Museveni. Alors je pourrais continuer très longtemps donc à vous parler donc de cette logique qui prévaut, donc cette logique de privatisation de la guerre, comment donc que des pays de la sous-région, notamment des pays comme l'Ouganda, un pays comme la Sierra Leone, un pays comme le Kenya, interviennent. C'est un article très intéressant. On nous montre également, il est intéressant parce qu'il montre également, on apprend le nom des compagnie qui est active, on apprend comment est-ce que ça se déploie sans que véritablement il y ait un minimum de travail journalistique dans les pays d'origine, si vous voulez, de ces mercenaires. C'est le blackout total, il n'y a aucune couverture. Et bien entendu, ce qu'il faut quand même dire ici, c'est que ce mercenariat ne prévaut pas seulement dans un pays comme l'Irak, il prévaut également en Somalie, puisque dans les derniers mois, vous avez sans doute entendu parler de quelle façon finalement les États-Unis ont enrôlé un pays comme le Kenya et l'Ouganda en Somalie, notamment dans la chasse aux islamistes Shabab. On apprend également que la même logique prévaut dans le conflit syrien. Et bien entendu, on l'a observé aussi, ça c'est des extrapolations que je fais moi-même à partir d'éléments, mais c'est pas directement dans l'article, on a également de plus en plus d'informations sur cette logique de privatisation de la guerre, comment elle a opéré également dans, si vous voulez, l'expédition de l'OTAN qui a prévalu en Libye. On a même vu dans le cas libyen comment est-ce que des terroristes islamistes, en tout cas des militants djihadistes qui étaient détenus à Guantanamo, donc qui a été capté par les Américains, notamment j'ai en tête ce chef militaire qui a été détenu à Guantanamo, qui a été capté par les services américains en Thaïlande, qui a ensuite détenu à Guantanamo et qui a servi comme chef d'une brigade armée auprès des rebelles donc libyens opposés à Kadhafi. Il s'appelle Abdel Hakim Belhadj. Comment est-ce que les Américains ont exfiltré donc de Guantanamo des terroristes islamistes qui pourtant ont été présentés comme comme des terroristes qui attentait à l'égalité internationale. Donc c'est un article très intéressant qui montre un peu, si vous voulez, cette hypocrisie du discours anti-islamiste des grandes puissances, de cette logique sécuritaire anti-terroriste, et comment est-ce que finalement toutes sortes d'alliances géopolitiques, à la fois régionales, dans certaines parties de la planète prévalent. Et là donc, c'est assez instructif. Donc je vous redonne la source. Donc c'est dans Le Monde diplomatique de ce mois de mai. C'est un article signé par Alain Vicky, donc aux pages 10 et 11. Voilà, on va prendre une dernière pause musicale, donc, et ensuite on reviendra avec la conclusion de l'émission. Nous essayons de nous voir.